Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons cet épisode le 23 mars 2021. Le Bitcoin est actuellement stable, hein, il va bien, il vaut 55 621 dollars. Je suis en train de regarder hein, ces derniers jours Ted Lasso et puis For All Mankind qui est diffusé un épisode par semaine. J'ai d'ailleurs parlé de For All Mankind dans le dernier épisode de Paraculte, le podcast de pop culture qu'on vous invite à découvrir. Vous pouvez également suivre la recommandation de Kassim pour Battlestar Galactica. Donc c'est un épisode très science-fiction et un podcast très cool où on vous parle des choses qu'on a aimées. Allez, jetez un coup d'œil, ou une oreille plutôt. Au programme de cette émission préparée par Guillaume Pogjaspala, on va revenir, une fois n'est pas coutume, sur une actualité du début du mois de mars. On va vous expliquer pourquoi, mais on va parler de la conférence des développeurs de Microsoft, Ignite. Alors peut-être que je le prononce pas bien, vous me corrigerez dans les commentaires. On aura aussi d'autres actualités, notamment la suite des exploitations de DeFi Exchange qui nous ont bien occupés dans le dernier épisode, du dirigeable du futur de Sergey Brin. Hein, il va nous lancer un super dirigeable futuriste. Sergey Brin, qui est le cofondateur de Google. On va parler aussi d'Instagram pour les moins de 13 ans, des non-fungible tokens, les NFT pour vendre des proutes. Ah, si je vous ai pas donné envie de rester dans l'émission, je sais pas quoi faire. Et puis on parlera aussi de jeux vidéo avec des infos sur AMD, Nvidia, Nintendo, Sony, Microsoft. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à la tech, ce que la vaccination est au Covid-19, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume. Oui, c'est-à-dire on l'espère efficace, on l'espère très vivement efficace. Oui, tu es notre salut quelque part même pour le salut de... Alors, le vaccin, on l'espère, est le salut pour le Covid-19 et tu vas être notre salut dans l'incompréhension de sujet tech, donc c'est parfait. En tout cas, c'est le moment ou jamais, là pendant que vous écoutez cette intro, d'aller laisser un nouvel avis sur la plateforme Apple Podcast, Google Podcast ou même Podcast Addict. Au passage, je voudrais juste revenir là-dessus. Alors, pourquoi, à votre avis, les créateurs et les développeurs demandent-ils des avis, que ce soit pour des applications ou des podcasts? Eh bien, parce que quiconque découvrirait le podcast ou l'application ou la chaîne YouTube, allez savoir, saurait en lisant les avis que c'est une production de qualité. Alors, si vous pensez, vous aussi, que Tech Café est un podcast de qualité qui mérite d'être reconnu et qui mérite d'être valorisé, eh bien, allez déposer un commentaire comme l'a fait Monsieur Belding. Il a dit... Le podcast tech généraliste le plus pointu. J'espère qu'on pique pas trop. Les deux Guillaume se complètent parfaitement à l'animation, l'enthousiasme faussement néophyte, oh oh, et le prof, une sorte de Fred et Jamy du podcast. Ah, j'aime bien ça, ça va me servir d'analogie. Plus sérieusement, c'est un podcast qui peut parfois pousser les explications à un niveau avancé en restant accessible, toujours dans la bonne humeur. Merci beaucoup pour ton commentaire. Et puis aussi, pour terminer, merci à Fenrir, Nico de Blabla High Tech et Olivier Kerman qui ont décidé qu'en plus d'écouter le podcast, ils allaient consacrer le prix d'un café chaque semaine pour soutenir l'émission et accéder à des contreparties pratiques, le chapitrage des émissions, l'absence de pub garantie. Alors si vous voulez faire comme eux et participer au travers d'une action très concrète à la professionnalisation de cette passion, faire partie de ceux qui ont garanti la durabilité de l'émission, c'est sur patreon.com/techcafé. Alors, j'ai appris d'ailleurs qu'il fallait dire deux fois les URL, Guillaume, quand on les cite dans un truc audio, dans un podcast. Alors, je le répète, patreon.com/techcafé, T-E-C-H-C-A-F-E. Le lien est de toute façon dans les notes de l'émission. Alors, sans autre forme de procès, on va vous parler donc de cette conférence pour les développeurs Microsoft Ignite 2021. Et la raison pour laquelle on va vous en parler, alors qu'elle a eu lieu il y a de ça une quinzaine de jours, trois semaines, c'est qu'initialement, on avait normalement prévu d'être accompagné dans cet épisode de prof du web, vous le savez, hein, Matt, mon compère de ReLife, qui est un expert cloud et qui suit de très très près tout ce qui est proposé par Microsoft pour Azure, tout ce qui est proposé par Amazon. Et on avait donc prévu de relayer cette conférence, puisqu'évidemment il a un regard privilégié sur le sujet. Il n'a pas pu se joindre à nous, on lui fait un grand coucou, il va bien, vous inquiétez pas, mais il n'a pas pu se joindre à nous. Mais du coup, c'est l'occasion quand même pour nous de revenir sur les annonces qui ont été faites. Et je dois dire, merci Matt d'avoir suggéré qu'on parle de ça dans Tech Café. Et on a fait le travail même sans toi, Matt, tu nous diras si on n'a pas dit trop de bêtises. Parce que beaucoup de choses ont été présentées qui sont plutôt intéressantes et des choses que je n'imaginais pas être hyper concrète, beaucoup de choses qui tournent autour de Teams. Guillaume, est-ce que tu as suivi toi aussi ces présentations? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Oui, bah oui, c'est vrai qu'on revient de Ignite. Alors, t'as raison, c'est, en fait, c'est, comme on dit Ignition, je pense que c'est ouais. Ignite. Ouais, c'est j'ai misé j'avais, là-dessus. J'avais tendance à dire Ignite, ouais, ouais, et donc je me déteste maintenant. Même si j'ai pas vérifié, mais bon. Donc, enfin, en tout cas, voilà, donc Ignite est donc, était, alors Ignite 2021, qui était un petit peu la deuxième partie de d'une conf qu'il y a eu l'an dernier. Finalement, c'est vrai que c'était vraiment dans la tendance, quoi, hein, de la conf en distanciel maîtrisée, ah, d'ailleurs. Ouais. Avec des clips bien produits, voilà, des échanges interactifs, des réunions programmables, tout ça assez fluide, un format qui va rester peut-être. En tout cas, ils donnent l'exemple aussi, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas se rater, puisqu'il y a eu beaucoup de Teams, il y a eu beaucoup d'hybrides workplace, parce que le télétravail est devenu la norme, hein, donc elle le restera sans doute, au moins en partie pour certains. Bonne chose ou pas, je ne sais pas vraiment, c'est clair que personne, j'ai l'impression d'ailleurs, ne sait vraiment. Au passage, c'est marrant parce qu'il y a une étude Microsoft, hein, justement, qui vient de sortir sur des jeunes adultes salariés. Donc, c'est génération Z dans les 20-25 ans. Alors, les points principaux de cette étude, c'est, je vais les résumer. Donc, le travail flexible hybride va perdurer. Les patrons se portent mieux que leurs employés. Et par contre, ils deviennent un petit peu hors de portée de leurs employés. La productivité est bonne, mais les salariés sont épuisés. Les jeunes en particulier sont en difficulté, la moindre socialisation rapetisse les réseaux et met l'innovation en danger. Il y a la vie intime aussi qui déborde sur le boulot, et du coup les rapports sont moins formels entre travailleurs, entre eux en particulier. Et le télétravail peut présenter des opportunités nouvelles, hein, pour certains. Donc il y a des chiffres un petit peu pour tout ça. Les chiffres ne sont pas toujours complètement indiscutables, hein, évidemment, c'est des résultats un peu partiels, mais parfois d'ailleurs même un peu contradictoires. Par exemple, 73% des sondés veulent que le télétravail perdure, donc au moins comme une option, mais 67% veulent aussi plus de présentiel post-pandémie. Bon, les jeunes se disent aussi plus stressés, ils ont plus de mal à trouver leur place, hein, plus de mal à avoir des espaces de télétravail agréables, ce qui est assez logique, hein, ils vivent dans des trucs un petit peu plus petits, voilà, ils sont un petit peu moins bien équipés, quoi. Donc ils ont aussi du mal à réseauter. Les discussions en réunion, dans les couloirs, la machine à café, tout ça c'est important pour le réseau, hein, pour la carrière, pour les projets aussi. Puis c'est d'autant plus important en début de carrière, donc c'est vrai, bon, voilà, ils ont constaté qu'au sein d'une équipe, en fait, il y a limite plus de cohésion, on communique plus, voilà, par texte, etc. Mais par contre, il y a moins d'interaction entre équipes. Donc voilà, il y a du bon et du mauvais, quoi. D'un côté, il y a plus de gens divers qui peuvent candidater sur des postes en télétravail, qui n'auraient pas candidaté sinon sur tel poste, s'il n'y avait pas eu une composante télétravail. Il y a des gens qui veulent déménager, même carrément, hein. Mais bon, il reste aussi un gros manque de socialisation professionnelle, hein, et des conditions de travail qui ne sont pas toujours top. Bon, c'est une transition, on sent que c'est vraiment une transition qui est loin d'être achevée, quoi. C'est une transition que moi j'ai vécue de plein fouet à titre personnel. J'aime bien souligner un peu mon expérience et mon vécu parce que il est, je pense, parfois représentatif de ce qu'on peut vivre. Attention, je suis extrêmement privilégié dans mon quotidien. Je sais bien qu'il y a beaucoup de situations professionnelles qui sont profondément remises en question. Quand t'es en chômage partiel ou quand t'es restaurateur, enfin, il y a vraiment beaucoup de professions qui souffrent énormément. Mais en tant que salarié de bureau un peu type, moi j'ai vécu ces changements, je continue à les vivre. Il y a des choses qui me marquent beaucoup. Tu sais que par exemple, j'ai beaucoup d'homologues dans plusieurs régions de France qui font le même boulot que moi, de qui je me suis vraiment rapproché. Et les personnes que j'avais au quotidien à côté de moi, sur le bureau d'à côté, quoi, sur l'open space, restent évidemment des collègues, des personnes privilégiées que je côtoie, mais c'est pas mes premières relations professionnelles. J'aurais tendance à dire que la distance et la proximité géographique ne sont plus du tout des critères qui font que tu es en proximité avec quelqu'un au travail. Et quand on identifie ça, il y a plusieurs façons déjà de le gérer. Moi, à titre perso, je le vis quand même très très bien. Encore une fois, comme je dis, je suis plutôt privilégié par plein d'aspects, hein. Je suis pas dans le grand luxe, mais j'ai mon intérieur, j'ai mon chez moi, j'ai une pièce. Enfin, ma chambre peut être consacrée en partie à mon bureau, donc tout va bien. Mais je pense effectivement à plein d'autres personnes qui le vivent très, très, très mal. Donc, les chiffres que tu relayes dans l'étude, je pense qu'ils sont malgré tout assez révélateurs. Et quelle pertinence pour Microsoft pour enfoncer le clou à ce point sur la solution Teams avec les différentes propositions qui sont faites. J'ai vraiment le sentiment qu'il y aura un avant et un après au niveau du travail, de l'organisation d'un point de vue informatique. On va en parler un petit peu plus loin, notamment du low-code, donc de la possibilité de développer des scripts, des programmes sans être soi-même développeur. Écoute, c'est hyper intéressant qu'on relaie cette conférence de Microsoft parce que je trouve que leurs propositions sont très très très pertinentes dans le monde d'aujourd'hui, mais effectivement, je mise comme eux sur le fait que ce sera extrêmement extrêmement durable. C'est quoi toi ton ressenti à titre plus perso, Guillaume, de ce changement du monde du travail depuis maintenant un an? Est-ce que tu as été impacté à titre perso et si oui, dans quelle proportion? Pas énormément, mais enfin disons que moi je pense que le télétravail, c'est révélateur de plein de choses. Donc le télétravail, si tu veux, ça fait très très longtemps qu'on en parle, ça fait très longtemps que c'est une possibilité technologique, et ça fait très longtemps que personne ne s'y met parce que les habitudes ont la vie dure aussi quand même pas mal. Et on va le dire aussi, des managers sont pas du tout emballés sur un tel changement. Non, on a quand même. À tort ou à raison. Effectivement, c'est aussi une perte de contrôle pour certaines parties. Hein, Donc ouais, comme on est forcé de s'y mettre, évidemment, ça devient une réalité. Et comme d'habitude, il y a du pour et du contre. Ça dépend des gens, ça dépend des situations. Et puis de toute façon, ce qu'on voit là surtout, c'est que le télétravail total peut être extrêmement fatigant en fait, être assez difficile. Les visioconférences, c'est difficile aussi, c'est quelque chose de très fatigant. Donc il y avait, je voulais le relier à un moment, mais on n'a pas le temps de toujours tout dire. Il y avait des études aussi qui montraient que il y a une zoom fatigue qui est physiologique en fait. Il y a des explications pour lesquelles passer des heures, passer sa journée sur Zoom, c'est plus fatigant encore que de passer ses journées dans des vrais trucs avec des vrais gens, quoi. Mais c'est quelque chose qui a été ressorti au travers d'études très récentes, mais je me rappelle très bien qu'il y a de ça plusieurs mois, sous-entendu, dans des périodes assez proches du premier confinement de l'année 2020, tu avais justement pointé du doigt cette Zoom fatigue qui avait été très très bien identifiée, très bien quantifiée, et tu avais d'ailleurs expliqué pourquoi, avec cette pression du regard comme ça, qui n'est pas du tout naturel sur des visios. Il y a plein de trucs, d'une part, il y a la taille des têtes qu'on voit sur l'écran, il y a aussi le fait qu'on se voit en permanence, ce qui nous pousse à nous, tu vois, à nous jauger en permanence, donc c'est une pression. Il y a aussi le fait que tu peux pas bouger, tout simplement, le fait que ton body language, il est pas transcrit de manière complète, et ceux de tes interlocuteurs non plus. Il y a, en plus, ils ont montré un truc marrant, d'ailleurs, parce que en fait, quand tu es en télétravail, que tu as quelqu'un qui te parle comme ça, en gros, sur ton écran, souvent, les têtes sont un peu trop grosses. Et puis surtout, quand le regard, en fait, qui te touche comme ça, il est beaucoup trop proche. Donc, il est beaucoup trop intime. En fait, quand quelqu'un te regarde de manière proche, dans la vraie vie, ça veut dire deux choses. Soit qu'il va t'embrasser, soit qu'il va te taper. C'est une proximité, si tu veux, qui il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté, quoi. C'est comme si on pénétrait ton espace personnel un petit peu. Et en fait, dans certaines conditions, si les têtes sont trop grosses et les gens qui te fixent comme ça en permanence, ils sont en permanence comme ça. Et du coup, c'est fatigant pour le. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Je relayerai j'avais vu une étude il n'y a pas longtemps, il faudra que je relaie ça dans les notes de l'émission, mais bon. Ouais, on pourra prendre le temps de le redétailler. Mais il y a aussi d'ailleurs d'autres aspects pour conclure, et sur ce sujet, c'est que t'as même la qualité de la webcam. C'est quand tu regardes les images promotionnelles de Zoom ou de ces services-là, tu vois des têtes de mannequins très bien calibrées, très bien éclairées, et c'est très très bien cadré, très bien effectivement éclairé avec des balances de couleurs qui sont top. Mais dans la réalité, c'est un enfer. Et je reconnais moi de mon côté que je me repose beaucoup quand on fait des réunions uniquement audio, en fait. Et j'arrive presque à me dire... Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais j'arrive presque à me dire, pourquoi est-ce qu'on court derrière la visio comme ça? C'est ça. C'est ça qui est marrant, c'est que il est prouvé que c'est beaucoup moins fatigant sans la vidéo, tout simplement. C'est-à-dire que si vous coupez la vidéo à la fois la vôtre, évidemment, et la leur, c'est-à-dire ceux des gens à qui vous parlez et la vôtre, si vous ne voyez plus, vous n'avez plus cette pression de toujours vous tenir bien, de toujours avoir une bonne tête, etc. Et si vous coupez la vidéo des autres gens, en fait, c'est aussi beaucoup moins fatigant parce qu'il n'y a plus ce sentiment de proximité artificielle, il n'y a plus... puis vous vous sentez libre aussi de bouger, de faire les têtes que vous voulez. Enfin, il y a énormément de pression qui se libère. Et oui, si c'est possible, si c'est toléré, évidemment, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est beaucoup mieux de couper la vidéo, tout simplement, parce que vous entendez quand même les gens, les informations continuent à passer, et en fait, la plus-value de la vidéo, elle est faible, voire nulle, voire contre-productive. Mais au point, moi, qu'il y a des réunions d'équipe que je peux avoir en journée, pas plus tard qu'aujourd'hui pour des... des raisons spécifiques, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'ai récupéré donc mon fils, je l'avais avec moi en même temps que je travaillais à la maison aujourd'hui, et on avait une réunion par visio, et il y a un moment où on était tous en tant que tous dans la même équipe en visio à faire notre petit point régulier, et il y a un moment il y a mon fils qui vient me voir et je me suis empressé de couper la vidéo pour ne pas que sa présence puisse être perçue et puis que ça puisse être capté. Et en fait, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Et ça crée ce stress supplémentaire. Alors qu'en fait, dans le fond, tout le monde s'en fout compte tenu des circonstances que ton fils apparaisse à l'écran derrière. Même en général, ça fait sourire les gens, ça rend les relations humaines, tout le monde est hyper compréhensif. Mais il y a cette espèce de pression qu'on se met implicitement du regard, de la présence des visages qui est particulièrement oppressante quand même. Bon, on dérive beaucoup quand même, effectivement, mais je pense que c'est dans le décor, là. Mais je pense que c'est l'ADN des podcasts qui veut ça, et puis le sujet qui est quand même passionnant. Donc beaucoup de mise en avant, notamment de Teams, et puis surtout on doit brancher Guillaume le fait que Discord serait en discussion pour être racheté et Microsoft ferait partie des acheteurs potentiels. Oui, c'est vrai que Teams c'était la star, hein. Il y avait plein de nouveautés, t'as raison, bon, il faut quand même en parler. Donc, il y avait des visios avec des présentations sympas, hein, voilà, la possibilité de pas juste avoir une grille comme ça de visages, mais de mettre en scène les visages dans un espace qui est plus sympathique, comme par exemple une salle de cinéma ou ce genre de truc. Il y avait incrustation sur les présentations aussi, la création de meetings structurés, voilà, le partage de canaux avec des gens extérieurs à l'entreprise, hein, c'est Teams Connect. Bientôt, il y aura le streaming des parties de Diablo 4. Non, j'exagère. Enfin, j'anticipe un petit peu, peut-être, puisque c'est vrai que, comme tu dis, ça fait penser à la rumeur qui voudrait que Microsoft ait approché Discord pour discuter d'un rachat. Bon, c'est Bloomberg qui a révélé ça, donc Discord est évalué autour de 7 milliards de dollars, et discute un petit peu avec tout le monde pour une acquisition éventuelle autour de 10 milliards. Enfin, compte rond, hein. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal pour une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, mais bon, ça fait longtemps que c'est plus un critère. Et bon, c'est pas fait, honnêtement, c'est pas étonnant que Microsoft, qui est complètement tout feu tout flamme en ce moment, qui rachète à tour de bras, hein, pour devenir un petit peu number one sur le jeu vidéo, c'est pas étonnant de venant de lui qui tâte le terrain. Mais c'est pas du tout clair que ça se fasse, en fait, hein. Limite, d'ailleurs, Discord pourrait rentrer en bourse, lever des fonds comme ça, et ça m'étonnerait qu'à moitié. Bon, écoute. On verra, ça fait partie des sujets. Si jamais ça devait avoir lieu, il faut se jeter dessus pour être les premiers à le relayer. Et donc forcément, ça fait buzzer, effectivement. Quelques petites nouveautés aussi dans cette conférence sur les produits, les appareils, et notamment avec, en lame de fond, la réalité augmentée avec HoloLens, Guillaume. Ouais, il y a des petits nouveaux matériels, le smart speaker qui différencie les gens, il faut les comptes rendus automatisés, bon, j'en oublie sans doute, hein. Alors si vous êtes riche, vous pouvez même utiliser un Surface Hub 2S, bon, c'est quand même 25 000 euros pour le 85 pouces, mais c'est un magnifique écran, donc de 85 pouces, qui est tactile, avec des vidéos, enfin des caméras haute résolution. Bon, le top du top, effectivement, pour ce genre de truc de coworking comme ça, téléprésence, télémachin. Et justement, au niveau de la téléprésence, on a eu aussi une vision, plus ou moins, de ce que ça pourrait devenir avec la réalité augmentée. Et c'est, en fait, ça passe par un truc qui s'appelle Microsoft Mesh, qui est une plateforme Azure, hein, qui permet de construire des lieux de rencontre et de travail en 3D, et d'y plonger les participants en réalité virtuelle, en réalité augmentée avec HoloLens. Donc il est possible donc de co-interagir avec des contenus 3D, donc de s'échanger des objets, pour peu qu'il y ait des caméras dans la pièce. En fait, tu peux même incruster les participants vraiment. C'est-à-dire que les participants sont filmés en 3D par les caméras, et puis ils sont reconstruits sous forme d'hologramme dans les HoloLens. Donc évidemment, si t'as pas ça, tu peux aussi avoir un avatar en 3D standard. Et en plus, si tout ça est trop lourd à gérer, pour un HoloLens, donc l'HoloLens, on rappelle, c'est un ordinateur complet, hein, donc il est complètement autonome, il y a désormais un truc qui s'appelle le Azure Remote Rendering, qui effectue en fait le rendu de la scène en 3D dans le cloud, si la scène en 3D est trop complexe, et qui stream le résultat. Donc en fait, c'est simplement du Stadia, pour simplifier, c'est du Stadia, mais pour la réalité mixte, tout simplement. Donc c'est déjà deux trucs Azure, hein, il y en a eu bien plus aussi. Azure, ça a été aussi vraiment la star de ce truc-là, hein, des trucs très pro, on peut en parler un petit peu si tu veux. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses de cette vision de Microsoft Mesh? Je fais partie des gens qui sont très convaincus par l'aboutissement que peut apporter la réalité mixte. D'autant plus si jamais il y a des ressources qui sont propulsées par le cloud, et je pense que ça aidera beaucoup. Qui d'autre que Microsoft peut l'apporter ? On avait déjà fait un épisode il y a de ça pas mal de mois déjà, qui montrait à quel point la réalité mixte, c'était quelque chose qui était utilisé dans l'industrie. Souvent, tu sais, on dit, ça fait partie de ces choses qu'on verra peut-être un jour, mais on n'est pas prêt de le voir. Aujourd'hui, ça n'arrive pas. Et finalement, dans l'industrie, c'est déjà le cas. On avait fait un épisode, je le remettrai dans les notes de l'émission en lien, parce qu'il reste diablement actuel. Et moi, je me réjouis de voir ces choses avancer, parce qu'il n'y a évidemment que des plus-values. Tant mieux si Microsoft nous permet d'avancer aussi là-dessus avec Azure. Qui nous permettent aussi, Microsoft avec Azure, d'améliorer notre utilisation, j'allais dire, grand public, c'est pas le terme, mais peut-être simplifié et plus avancé de l'intelligence artificielle, Guillaume, avec de la reconnaissance et notamment des promesses assez dingues. En gros, tu lui files des piles de documents, pas trop formaté de la même manière, et il va arriver à t'en extraire des datas de manière uniformisée. Ça fait rêver. De quoi il s'agit exactement, Guillaume ? Oui, il y a eu des trucs très pros sur Azure, donc ouais, des migrations de gros volumes de données, des bases de données structurées d'ailleurs en particulier, qu'on voudra passer d'un endroit à un autre. Donc, et puis Azure met aussi en disposition en preview la recherche sémantique de Bing, en fait, pour tous, hein, via Azure Cognitive Search. Donc c'est un modèle de langage de type Transformer qui sont des réponses à BERT ou GPT, hein, qui sont déjà... qui sont déjà, eux, des protos, mais ça, c'est plutôt vraiment un produit, ou quasiment un produit, puisque c'est déjà une preview. Donc, ils ont testé ça sur le Microsoft Doc, hein, donc le gros corpus documentaire de chez Microsoft, et donc le modèle digère le texte et peut répondre à des requêtes de recherche, bon, comme un moteur standard, mais avec une excellente pertinence, il peut aussi répondre à des questions précises. Donc, c'est un truc qui s'appelle UniLM, qui est derrière, et qui est pas aussi puissant que BERT ou GPT. Hein, et d'ailleurs, il en existe une version compressée, et ça qui est rigolo. Elle s'appelle MiniLM, et elle est 5 fois plus petite, mais elle est 95% aussi efficace. Donc, les algos de distillation des gros modèles de deep learning, en fait, ça se généralise. C'est un petit peu le JPEG des modèles. Donc, t'as un modèle à 20 milliards de paramètres, que tu peux compresser en un modèle à 1 milliard de paramètres. Alors, c'est pas le même modèle, mais il fait la même chose à 95%, comme le gros, comme une image JPEG et pas la même image que l'original, mais qui reste vraiment super proche. Donc, voilà, l'IA au quotidien via le cloud, hein, c'est avec des fonctions qui sont pas très sexy, mais bien utiles, hein, comme par exemple l'amélioration du Form Recognizer, donc, qui est spécialisé dans la lecture de formulaires, donc il y a un petit peu de tout, des formulaires électroniques Word qui sont convertis automatiquement en JSON, ou à la limite, voilà, tu prends un ticket de caisse froissé à moitié détruit, tu peux le scanner et puis après en extraire des données, c'est quand même assez fort. Ou alors le scan de ta feuille d'impôt, hein, c'est, voilà, l'automatisation à son meilleur, puisqu'elle nous épargne des trucs extrêmement chiants. Voilà, il y a l'IA au quotidien, mais aussi sans le cloud, ou disons, pas toujours avec le cloud, hein, puisqu'ils ont montré Azure Percept. Donc en gros, c'est une plateforme d'objets connectés avec des capacités de traiter des petits boulots d'IA en local. Donc pensez à des caméras de parking qui comptent le nombre de places libres toutes seules, sans avoir besoin de connexion. Ou bien une caméra dans le métro, hein, qui flague les gens sans masque. Bon, parce que bon, oui, ça va venir, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc des appareils c'est des appareils en fait qui sont faits par des vendeurs tiers, mais qui sont certifiés par Microsoft et qui ont des puces spécifiques, donc qui vont accélérer le traitement du deep learning, qui sont programmables via un truc qui s'appelle Percept Studio, qui offre des outils simplifiés en fait pour déployer des modèles rapidement et bien sûr communiquer avec Azure Cloud, hein, pour stocker, demander plus d'analyse le cas échéant, etc. Donc c'est de l'IA on the edge, comme on dit dans le du edge computing. Donc pour ce qui est du bureau, on aura aussi droit à Power Automate d'ailleurs. Donc tu parlais du low-code tout à l'heure. Ouais, ça c'est très impressionnant parce que très concret, et on imagine bien à quel point ça peut accélérer le monde du travail, le low-code comme ça. Bah, disons que les processeurs de Windows pourront utiliser Power Automate, donc c'est un logiciel qui automatise tous les types de tâches répétitives, hein, du bureau. On fait penser à IFTTT un petit peu, et ça sera directement intégré à Windows 10. Et puis il y aura aussi PowerFX. PowerFX, c'est un nouveau langage. Alors, c'est pas un nouveau langage. Le langage n'est pas vraiment nouveau, puisqu'en gros, c'est le langage Excel. Mais c'est le langage Excel qui part faire une carrière solo, quoi. Le but, c'est d'avoir un langage qui soit assez simple d'emploi, qui est basé sur Excel, mais qui soit universel. Donc, tu peux tout faire, tu fais tout et n'importe quoi, et sur n'importe quelle plateforme. C'est ça qui est intéressant aussi, puisque c'est open source. C'est compilé en temps réel, c'est interactif, et c'est garni de fonctions que des millions de gens connaissent déjà. C'est donc un langage qui est dit low-code, en fait c'est du code, hein, mais effectivement c'est du code Excel, qui permet à des non-codeurs ou disons, pas des codeurs non professionnels, mais qui quand même gèrent un petit peu Excel et ce genre de trucs, qui, donc ils pourront coder efficacement des petites apps avec ça. La démonstration dans la vidéo est très forte parce que on nous explique que il y a de plus en plus besoin de développer des choses, des micro-activités qui nécessitent pas forcément le développement de grosses applications, de gros scripts, mais des choses relativement simples et qu'il y a de moins en moins de ressources de développeurs. Bon, je schématise beaucoup les choses, mais on nous présente ça comme étant un différentiel entre les besoins et les ressources disponibles pour développer tout ça. Et je crois beaucoup en cet objectif. Et si jamais demain, l'ordinateur qu'a monsieur et madame Michu dans l'entreprise leur permet très intuitivement de gérer à travers des scripts tout ce qui est automatisé, je pense que ça peut être une véritable révolution dans le monde du travail là aussi, parce qu'on n'imagine pas, quand on n'est pas dans le monde des entreprises de taille moyenne ou des grandes entreprises, le nombre de tâches répétitives qu'on fait en se disant « Oh, de toute façon, ça me prendrait 10 fois plus de temps que de me poser la question « Comment automatiser ça ?» Et donc, t'en viens toujours à faire les mêmes exports, à envoyer le même mail aux mêmes personnes avec les mêmes wordings, sans te rendre compte à quel point il y aurait de la mutualisation comme ça entre toutes ces tâches à faire. J'y crois beaucoup. On verra si l'avenir nous donnera raison et surtout donne raison à Microsoft. Un petit clin d'œil, moi, que je voulais donner par rapport à cette conférence, c'est que donc je regardais les différentes vidéos, évidemment, pour qu'on soit à même de parler d'un sujet qu'on aura quand même consulté, et j'aime bien les voir en anglais avec quand même le sous-titrage en français qui est fait avec les algorithmes de Microsoft, et je suis marqué par certains détails qui sont à mes yeux énormes en termes de communication pour Microsoft. Par exemple, tu sais, toutes les vidéos où ils parlent de Teams, eh ben, l'algorithme ne traduit pas par Teams avec un T majuscule en rappelant le fait que c'est le nom du produit, mais traduit par équipe au pluriel. Je trouve ça juste hallucinant quand on voit toutes les propositions de valeur et d'intelligence que nous met à disposition Microsoft pour le monde de l'entreprise, des choses qui sont pétri de bon sens pour aider les entreprises à passer à la vitesse supérieure de l'intelligence informatique, voir que des choses aussi bêtes sont encore faites. Mais bon, c'est du détail et ça me permettait juste d'être mauvaise langue, parce qu'évidemment, il faut que je sois un petit peu mauvaise langue vis-à-vis de Microsoft. Quand ils font tout bien, c'est pas drôle. Il faut que je sois mauvaise langue. On va enchaîner, Guillaume, avec une autre rubrique. Alors, je vous confesse toutes les peines du monde que j'ai à donner un thème global à cette rubrique qu'a préparée Guillaume Poggiaspala, parce que elle a de sens que quand on lit les notes de l'émission. Donc d'habitude, je vous invite à aller voir les notes de l'émission pour voir les différents clins d'œil rédactionnels qu'a fait Guillaume, mais là, je dois encore plus vous inciter à aller voir ces news, parce qu'on dirait un bloc en vrac, mais la manière dont ils sont rédigés les rend cohérents. Je vais pas les reprendre à l'oral. On a donc plusieurs thématiques de news tech qu'on va aborder ensemble. Déjà, on va revenir sur la catastrophe Exchange, dont on a déjà parlé, pour reparler évidemment un petit peu de Microsoft, dans le dernier épisode où on a parlé évidemment de cette faille que Microsoft a tous les mots du monde à corriger définitivement pour les entreprises, Guillaume. Ouais, je suis désolé d'avoir fait de la cohérence lexicale et pas de la cohérence. J'adore. Ça invite les gens à aller voir des autres émissions, c'est malin. Donc ouais, Exchange. Donc bon, mais Microsoft, effectivement, sur cette histoire d'Exchange, a lancé une mise à jour de Defender finalement pour combler la principale faille. Bon, parce qu'en fait, il y en a quatre, mais la première permet de tout compromettre en fait et d'utiliser les autres. Donc c'est une chaîne. Et donc, évidemment, on rappelle que tout ça, ça permet d'exécuter n'importe quoi sur votre serveur, hein, comme ransomware, ce dont Acer a fait les frais, puisque c'est vraisemblablement via Exchange qu'Acer s'est fait attaquer et doit donner 50 millions de dollars aux escrocs pour pas avoir ses données fuitées sur le dark web. 50 millions, c'est un record, je crois, donc grosse boîte, grosse rançon. Enfin, c'est pas vraiment confirmé par Acer, hein, mais bon. Donc, ce qui est sûr, c'est que Microsoft a aussi mis en ligne un outil de migration. Un outil simple hein, qui scanne tout et qui corrige un clic en fait. Donc c'est pour les petites entreprises, parce que sinon ça va être le déploiement n'est pas forcément aussi simple que ça. Donc c'est un outil qui simplifie ça pour les structures qui sont pas très grosses, donc c'est plutôt cool. Bon, maintenant il reste plus qu'à corriger le gros bug qui crache Windows 10 depuis la dernière mise à jour quand on utilise certaines imprimantes. Ça c'est vrai que ça fait désordre, surtout en pleine période de télétravail. Bon, mais Microsoft a quand même décidé de sortir un patch indépendant hors du cycle standard de mise à jour pour corriger tout ça. Et puis un autre, parce que voilà, le premier a eu des problèmes, cette fois ça semble être la bombe, mais bon, c'est vrai que il y a des périodes comme ça où ça veut pas, hein. Qu'est-ce que tu veux? Quand ça veut pas, c'est bien connu. on va parler d'un tout autre sujet dans lequel on espère quand même qu'ils auront corrigé les entre guillemets bugs que l'histoire a pu montrer. C'est le domaine des dirigeables. Oui, parce que Sergey Brin voudrait rebosser ce sujet. Vous savez, les grands dirigeables, les grands ballons remplis de gaz très inflammables, plus légers que l'air, qui permettent de transporter des choses. Alors, on pourrait se dire que c'est une lubie de fans de science-fiction. On verra. En fait, il s'avère qu'il y a des vrais usages très concrets qu'on peut souligner et qui méritent qu'on s'intéresse à ce sujet. Mais évidemment, les bugs dont je parlais qu'il faudra corriger, c'est ceux qui ont amené à la fin des Zeppelins, donc des dirigeables, dans les années 30. J'avais pris le temps de consulter ça, j'ai plus la date exacte, mais où il y avait eu une explosion qui avait mis fin à ce progrès, Guillaume. Ouais, alors bon. Bon, on va parler un petit peu des dirigeables, c'est cool. C'est vrai qu'on se demande tous ce que fout Sergey Brin, déjà. Bah oui. Qu'est-ce qu'il fout depuis, franchement. Bon, bah peut-être qu'il joue au ballon, en fait. C'est vrai que les ballons, c'est mignon, hein, mais c'est vrai que je sais pas vous. Mais moi, ouais, bah oui, les voyages en ballon, comme ça m'évoque tout un imaginaire à la Jules Verne, un petit peu. C'est Indiana Jones. Mais oui, les ballons, c'est tout rond, et c'est pas con, hein, puisque c'est quand même plus léger que l'air, donc ça s'envole tout seul, ou presque. Alors pour une montgolfière, c'est l'air chaud qui est moins dense que l'air froid environnant, on va faire monter la nacelle. Hein. Donc vous remarquerez que la nacelle, elle est toute petite et que la montgolfière, elle est très très grosse, parce que la traction de l'air, bah, avec les brûleurs qu'on utilise, elle n'est pas énorme. Mais bon, dans le temps et dans les animés steampunk, il y a eu des ballons dirigeables qui ont fait des vols commerciaux. On connaît tous, je pense, le nom de Ferdinand von Zeppelin, comme tu disais. Pas du tout. Et du coup, je disais un Zeppelin. Eh oui, non, mais c'est Zeppelin, c'est pas juste Led Zeppelin, hein, c'est Ferdinand von Zeppelin. D'accord. Qui déposa un brevet de l'aérostat à coque rigide en 1873, et donc il lui a fait fabriquer plusieurs dirigeables, hein, qui voleront pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, l'armée fera l'acquisition du LZ-3, et l'aviation civile va utiliser ces appareils pour transporter des dizaines de milliers de personnes entre 1910 et 1914. Donc pendant que leurs collègues vont, pendant la guerre, larguer des milliers de bombes et faire des milliers de... enfin, bon million en tout cas de missions de reconnaissance, ben il y en a qui se baladent en ballon tout simplement, et bon, c'est à tel point que les services secrets anglais voudront connaître, hein, les secrets de fabrication de cette technologie allemande de pointe que sont les ballons dirigeables. Alors des Zeppelins, comme on dit, ben il en volera encore plein après la guerre. Il y a Hugo Eckner qui va traverser l'Atlantique en 1924 sur le Graf Zeppelin. En 1929, il fait Tokyo-San Francisco sans escale. Donc c'est, voilà, quand même. Ah, le Pacifique quand même. Pacifique, ouais. Et oui. Et donc, entre deux guerres, bah, c'est l'apogée des dirigeables entre les deux guerres. Donc, ils sont toujours plus gros, hein, tout le monde s'y met. Donc, on aura même des dirigeables porte-avions, comme le USS Akron et ses deux sister ships, hein, le Macon et le Los Angeles. Donc, c'est 230 mètres de long, 8 moteurs diesel, 20 000 km d'autonomie pour 100 tonnes à vide. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas vraiment une bonne idée d'utiliser ces gros ballons énormes et super fragiles et super lents comme outil offensif face à des avions de chasse. Puisque la Krone, c'est 93 km/h en croisière et c'est 133 km/h en pointe. Donc c'est plutôt pour la reconnaissance ou du transport, hein, donc cette idée un petit peu de vaisseau-mère qui peut larguer des biplans. Donc au début, alors c'est vrai au début, tu dis que c'est un petit peu dangereux, alors c'est vrai qu'au début les dirigeables étaient remplis d'hydrogène. Bon, c'est logique, hein. C'était logique à l'époque, puisque l'hydrogène, c'est le gaz le plus léger qu'on puisse imaginer. Et puis, il est extrêmement facile à produire aussi, hein, même à l'époque. Donc, alors, l'époque, c'est le début du XXe siècle, hein, faut se souvenir. Et au début du XXe siècle, l'hélium, c'est très cher et c'est très difficile à produire. C'est les Américains, en fait, qui en ont, mais c'est des ressources naturelles américaines. Donc, en 1927, d'ailleurs, ils font passer une loi sur l'hélium, et ça devient du coup un enjeu stratégique. Alors, le problème, c'est que l'hydrogène, vous le savez tous, ça, c'est explosif. Donc il faut faire super gaffe. Donc pendant des dizaines d'années, pourtant, bah, les Allemands feront voler des ballons à hydrogène. Alors pour le Hindenburg, hein, dit aussi le LZ-129, bah, ils auraient bien opté pour l'hélium en fait. Alors l'hélium c'est un peu moins efficace, c'est un peu plus lourd en fait que l'hydrogène, donc c'est un petit peu moins efficace. Mmh. C'est 7% moins efficace, entre 7 et 10% moins efficace que l'hydrogène. Mmh. Mais bon, ils ne pouvaient pas utiliser l'hydrogène, les Américains l'auraient interdit. Donc pour éviter l'embargo, ils voulaient utiliser l'hélium. Mais bon, je sais pas comment ils ont démerdé, très mal, hein, parce que finalement, ni les Américains ni les Allemands n'y ont mis du leurre. Et finalement, à la bout du compte, le LZ-129 s'est retrouvé gonflé full hydrogène. Et de fait, ce Hindenburg, hein, c'était un navire du ciel incroyable, hein, on n'imagine pas. Dedans, il y avait une salle de resto, il y avait des cabines, comme sur un bateau. Il y avait un salon pour 72 passagers. Le truc est truffé d'innovations technologiques incroyables de l'époque, hein. Il faut voir qu'il peut faire Francfort-Rio de Janeiro en 111 heures. Après, vous connaissez tous l'histoire. Après 63 voyages, en 1937, il y a un incendie qui se déclare à la poupe, hein, du vaisseau, et l'hydrogène prend feu, et le Hindenburg s'écrase, et il fait 35 morts. Alors, le truc, c'est que tout ça a été filmé, photographié, ça fait le tour du monde. Ça a été filmé. Je savais qu'il y avait des photos, mais je savais pas que ça avait été filmé. Il me semble que ça a été filmé. En tous les cas, ça a été un incendie, un accident extrêmement médiatisé. On en parle encore aujourd'hui. Ça a marqué les esprits. Mmh. Alors que bon, il y a eu que 35 morts. Hein, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est tragique. Mais tu vois, il y a eu bien pire quand même. Mais bon, voilà, ça a fait le tour du monde. Et depuis, on n'a plus trop confiance. Bon, évidemment, les dirigeables à l'hélium sont plus sûrs. Par contre, ils ne sont pas plus rapides. Et puis, évidemment, ils ne sont pas non plus plus résistants face aux tempêtes ou aux vents très violents. Et donc, bah, la lenteur et la fragilité des dirigeables face aux avions, qui ont énormément progressé dans l'intervalle, les a relégués donc au rang de relics steampunk un petit peu, mais ils ont eu leur heure de gloire, vraiment. Alors, je dis ça, mais il en reste. Hein. Il faut savoir qu'il reste des dirigeables encore, pas au dé aussi gros, hein, attention, mais il y a un Zeppelin NT, par exemple, qui, pour les touristes, fait des tours au-dessus de la Suisse et de l'Allemagne. Donc, c'est trop bien. Ah, il fait 74 mètres. Il embarque 12 passagers, donc c'est très cher. Je crois que c'est 450 balles le voyage. Je ne sais pas combien ça dure. Donc c'est... Mais par contre, c'est vrai que tu as une vue incroyable. Enfin, c'est peut-être ton truc à faire, en tous les cas. Ouais, puis ça doit être magique, en fait, d'être dans un dirigeable comme oui, ça. Oui, absolument. C'est incroyable. C'est quasiment... Enfin, je veux dire, c'est très, très discret comparé à un avion. Mmh. Le bruit, et puis... Voilà, t'as des grandes baies vitrées, c'est... Bon, bah, bref, pas là pour faire la pub du Zeppelin. C'est vrai que Sergey Brin, du coup, on y revient, on voudrait remettre au goût du jour donc, ces trucs-là, avec sa boîte LTA Research and Exploration. Donc ce projet, en fait, ce serait un gros dirigeable à hélium de 200 mètres de long. Donc 200 mètres, c'est pas si loin du Hindenburg, en fait, hein, qui est un petit peu plus gros, qui serait propulsé par des moteurs à hydrogène, du coup. Alors... Donc le 200 mètres, c'est vraiment beaucoup pour la taille quand même. Il faut voir que c'est plus de 3 fois, plus de 3 Boeing 747 mis bout à bout. Ça fait quand même un gros, gros machin. Donc un truc comme ça, avec les technos modernes, ça coûterait dans les 150 millions de dollars à faire, à peu près. Bon, une annonce laisserait entendre qu'il envisagerait une pile de 1,5 MW. Ça pourrait avoir une autonomie de 3000 km quand même, à peu près. Donc c'est parce que bon, les ballons ont quand même un énorme avantage, évidemment, c'est des ballons, donc ils peuvent s'arrêter en vol, par exemple, ils peuvent aller à la vitesse qu'ils veulent, ils peuvent se poser, décoller sans piste, et donc ils consomment très peu d'énergie, évidemment, en comparaison des avions, puisque la portance, en quelque sorte, elle est quasi gratuite. Donc Sergey Brin voit dans les ballons des aéronefs zéro émission, avec beaucoup de potentiel. Puisqu'effectivement, hein, puisque ça consomme beaucoup moins d'énergie, on peut utiliser des piles à hydrogène. Si l'hydrogène est fabriqué de manière renouvelable, quoi, avec de l'énergie renouvelable, d'où qu'elle vienne, ben, ça fait en fait un aéronef, mais sans émission de CO2, hein, qui serait peu polluant. Donc, dans un premier temps, ben, il les destinerait quand même à des missions humanitaires, pour transporter des trucs dans des endroits reculés. Alors évidemment, c'est plus classe que le projet de yacht aérien géant qu'on lui attribuait jusqu'ici. Si c'est concluant, ça serait quand même marrant de voir un retour en grâce de ce type d'aviation. Voilà. Qui sait, pour les moyens courriers, est-ce que ce ne serait pas une voie pour faire du transport aérien plus propre ? Bon, ce serait plus lent, c'est vrai, mais ce serait zéro émission. Enfin, donc ce serait pourquoi pas ? Moi, je dis pourquoi pas, et surtout pour l'atmosphère que ça créerait et cette espèce de saveur dans mes souvenirs d'Indiana Jones avec ce qui se passe dans le Zeppelin qui est fictif dans le film. C'est assez génial. Je regardais sur le site, c'est effectivement 480 balles pour 60 minutes. Il y a un départ... 60 minutes, oui. Il y a un départ le 29 avril à 10h, si on veut, de Friedrichshafen. Pardon, je voulais pas l'écorcher volontairement, mais c'est un échec de prononciation. Écoute, je vais peut-être me tourner maintenant vers la news suivante où on va parler d'Instagram, mais on va parler d'Instagram sous un angle bien nouveau parce qu'on pourrait avoir une nouvelle proposition du réseau social qui viserait à faire ce pour quoi on n'a pas l'habitude, c'est même interdit aujourd'hui, c'est rendre accessible Instagram, en tout cas sous une certaine version, pour des enfants de moins de 13 ans, Guillaume. Ouais, alors en fait, Facebook a annoncé deux trucs cette semaine, et donc je vais parler du truc plutôt sympa qu'il a annoncé d'abord, parce que donc c'est un truc qui vient en fait de Reality Labs, de Facebook Reality Labs, c'est un proto de bracelet qui livre au mouvement. Donc attention, c'est pas juste un truc avec un accéléromètre, hein. Le bracelet peut détecter les mouvements fins des doigts. Donc vous pouvez taper sur un R clavier, cliquer avec une R souris, faire des mouvements comme sur un écran tactile, mais sans écran tactile. Donc c'est une technologie qui semble quand même assez parfaite, vraiment taillée pour la réalité augmentée et virtuelle. Mmh. Et finalement, c'est juste la technologie de Control Lab, en fait, qui est une start-up qui a été rachetée par Facebook en 2019. Les bracelets sont des petits électromyographes, donc peut-être que vous y avez déjà eu affaire à ces trucs-là, chez un neurologue, par exemple. Hein. Tu peux avoir des examens avec des machines comme ça qui mesurent les réponses électriques de tes nerfs. Ben là, c'est le même principe, mais c'est miniaturisé. Donc les bracelets lisent les influx électriques des nerfs des poignets, et donc, en fait, il ne lit pas tes pensées, mais ton intention de bouger, qui est véhiculée par les nerfs jusqu'aux muscles, et donc il les intercepte et il les transcrit. Donc le concept n'est pas forcément nouveau, puisqu'en 2018, Control Lab avait déjà décrit le principe, mais c'est sympa de voir ça dans un proto qui est beaucoup plus proche d'un produit fini. Ça sent pas le truc qui va arriver demain, quand même. Non, c'est vrai, mais t'as pas vu le proto de 2018, quoi. Ah non, j'ai pas c'était vu. C'était plus gros. Oui, ça a dû bien avancer. Oui, ça a quand même un petit peu avancé. Donc, et on sait à quel point, on sait à quel point pour la réalité virtuelle, les commandes d'interaction sont la clé. Je l'ai déjà dit, moi je trouve que l'expérience que j'ai eue avec l'Oculus, premier du nom, l'Oculus Quest, c'est vraiment les touches qui rendent l'expérience aussi immersive. Je crois savoir que c'est le cas de tous ceux qui apprécient l'expérience en réalité virtuelle. On touchera un mot dans la rubrique jeux vidéo de ce que prépare Sony, mais ça m'étonne pas que ce soit un gros sujet sur lequel bosse Facebook, parce que c'est clé dans l'appropriation de cette techno quand même. Ah, complètement, complètement. Et donc ça, c'est assez sympa de voir un truc là, j'ai l'impression que ça approche un petit peu de nous, mais bon, comme tu dis, dans un tout autre registre, Facebook a aussi confirmé, par les mots d'Adam Mosseri, hein, lui-même, qu'il travaillait sur un Instagram Kids, donc ce serait une version d'Instagram à destination des moins de 13 ans. Alors perso, autant je pense que c'est vraiment une super idée d'un point de vue business, autant qu'une idée totalement atroce d'un point de vue sociétal et psychologique. Mais bon, après tout, j'ai pas d'enfant. Donc toi, est-ce que tu autoriserais tes gamins à utiliser un futur InstaKids? C'est très compliqué parce que Messenger for Kids, déjà, n'est pas dispo. En France ou en Europe, je sais pas, mais il n'est pas dispo. Et je suis confronté ces derniers temps à une espèce de mouvement sociétal de la part de mon fils et de ses copains. Donc il a 9 ans. Hein. Et à 9 ans, ils ont un gros kiff en ce moment, c'est qu'ils veulent se parler en dehors de l'école. Et évidemment, moi, quand j'étais petit, quand j'appelais un copain, c'était tout un événement, quoi. Tu monopolisais le téléphone familial, t'essayais de te cacher comme ça dans ton coin pour raconter des bêtises derrière le canapé du salon, parce qu'évidemment, c'est là où était le téléphone. Mais aujourd'hui, le mobile et l'hyperconnectivité des foyers amènent à des situations qu'on ne soupçonne pas, effectivement, quand on n'a pas forcément d'enfants, qui sont pas faciles, parce que je suis le premier à être convaincu que tous ces usages numériques ne sont pas appropriés pour des enfants pour être mis en libre service. Et en même temps, le mouvement sociétal impose ça. C'est-à-dire que même moi, je peux difficilement aujourd'hui, même si j'y arrive la plupart du temps, mais pas toujours, garantir le fait que mon fils n'utilise pas une application de messagerie pour échanger avec ses copains, souvent visio, parce qu'on va être très clair, hein, ça les emmerde de taper du texte. Ils pourraient le faire, mais il y a trop encore de faible aisance par rapport à ça, aussi de crainte, j'imagine, que ça laisse des traces avec les parents. Mais la visio, c'est top pour eux, tu vois, ils peuvent se montrer le nouvel habitant sur Animal Crossing, ils peuvent se montrer quel est le nouveau jeu sur la Switch. Parfois même, les usages, moi, me déroutent et j'essaye de l'interdire de faire ça, mais c'est très compliqué. Et ils en arrivent à faire du Twitch réel, c'est-à-dire qu'ils arrivent à filmer leur propre jeu en même temps qu'ils se parlent. Et donc, ils jouent à un jeu vidéo et ils ont la vidéo à côté qui filme leur jeu et en même temps, l'autre en face qui fait pareil. Bref, ça crée des situations qui sont profondément inappropriées et j'ai l'impression, même si je le regrette, qu'on est dans un décalage entre ce qu'imposent les mouvements sociétaux de contact des enfants avec leurs parents et les enfants entre eux, et des outils disponibles. Écoute, moi, j'aimerais énormément aujourd'hui ne pas avoir, pour que mon fils fasse une visio de temps en temps, même en restant à côté de moi, avec ses copains, avoir un outil qui ne soit pas mes outils de communication et qui soit des outils supervisés. Et aujourd'hui, j'en ai pas trouvé. A priori, l'outil qui remporte l'adhésion, de ce que j'ai pu voir, et Matt, s'il avait pu être là, nous en aurait touché un mot, puisque c'est dispo au Canada où il habite, Messenger for Kids est extrêmement bien pensé et permet de résoudre cet enjeu. Donc il y a un vrai problème sociétal de base et malheureusement ces outils, aussi dangereux nous semble-t-il, ils apportent une solution à un problème. Et ça, c'est difficile à voir de l'extérieur, mais c'est véritablement des bouées quoi, pour la vie des foyers. Ouais, bah alors après, tu parles d'un usage qui est un usage de messagerie, là. Instagram, c'est pas ça, en fait. Hein. Alors oui, pardon, non, exactement, merci de me... Vraiment, on aura fait trop de digressions dans cet épisode, t'as complètement raison. Instagram, c'est tout à fait autre chose, mais je ne sais pas quels seraient les usages d'un Instagram for kids, et peut-être que ça peut protéger certains usages qui soient dérivés. Spontanément, ouais. Sur le papier, j'aime pas, Guillaume, mais est-ce que, compte tenu des usages qui s'imposent au quotidien, est-ce que c'est pas des solutions... Des mauvaises solutions à des vrais problèmes, quoi. Mais on n'a pas trouvé de meilleures solutions. Bah, disons que c'est difficile de tirer sur un truc qui n'existe pas encore. Hein, c'est ça, c'est dur. Voilà, c'est difficile. Sûr. Mais c'est vrai que quand tu vois le concept d'Instagram, qui est quand même un réseau social à base d'images, et qui donc te bombarde d'images, qui est extrêmement narcissisant quand même, qui est extrêmement commercial, puisque bon, je veux dire, une grande partie de ce qui est sur Instagram, c'est de la pub directe ou indirecte. Évidemment. En fait, hein. Tu peux te poser la question, quand tu vois les effets sur les jeunes. Mais les jeunes, mais moins jeunes quand même que ça. Et d'ailleurs, bah, notre invité, que tu avais, voilà, le lycéen que Elias, tu avais invité. Bien sûr. Bon, voilà, il pourrait nous en parler, je pense. Et ce serait très intéressant d'avoir son avis dessus. C'était vraiment passionnant, cet épisode. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Donc vraiment, si tu veux, tu te dis que ce qui est assez néfaste pour des jeunes de 18, 20, 30 et jusqu'à, enfin, pour tous les âges, finalement, quand on en fait un usage qui est vraiment déraisonnable, ben, pour des publics qui sont ben, plus jeunes, donc plus fragiles, plus influençables, plus malléables, franchement, bon, a priori, ça me paraît une idée très, très, très, très casse-gueule. Ouais, il faudra voir la manière dont c'est fait. Comme tu dis, c'est compliqué de tirer sur quelque chose qu'on n'a pas vu sortir. J'ai la naïveté de penser que ça peut être intelligemment fait, mais effectivement, sur le papier, ça fait peur. Au passage, pour Instagram, j'ai réalisé un truc, Guillaume, en début de semaine que j'ai vu passer sur Twitter. Figure-toi, j'ai eu l'impression d'avoir une épiphanie. Figure-toi que beaucoup des selfies miroirs qu'on voit sur Instagram, tu sais, ces personnes qui se prennent en photo dans le miroir avec leur smartphone pour montrer la tenue, dans l'immense majorité des cas, si ce n'est la totalité, c'est pas des vraies photos miroirs. Et j'ai vu une fille qui expliquait comment étaient faites ces photos. Et en fait, j'ai mon cerveau qui a explosé de me rendre compte qu'on était tous trompés par le fait que ces photos miroirs ne sont pratiquement jamais faites devant un miroir. Bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse qui montre à quel point Instagram peut nous voiler le regard de la réalité. On va terminer avec beaucoup de poésie après Instagram, oui. Avec les fameux NFT. Je vais vous raconter une belle histoire. Oh oui, s'il te plaît, les non-fungible tokens, raconte-nous une belle histoire autour de cette belle innovation. Oui, une belle histoire, peut-être même plusieurs, si vous êtes sage. Ah oui, oui, ah, s'il te plaît. Et oui, bon, alors voyons, ça parle de Ramirez Malice. Ramirez Malice, il est producteur, il est de Brooklyn, il fait des documentaires, hein, des courts-métrages, et il joue même dedans parfois. Donc Ramirez a 36 ans, il a plein d'amis, des amis avec lesquels il partage tout, avec lesquels il passe des soirées à rire, à refaire le monde, ou bien à discuter de tout et de rien dans un bar de Little Caribbean. Ramirez mord la vie autant qu'il la capture sur pellicule. Et un jour, tout bascule, le virus se répand et Ramirez, comme nous tous, se retrouve enfermé, et tout devient virtuel, immatériel, hein, tout sauf ses quatre murs qui le séparent du ciel et de ses semblables. Mais grâce à la magie de WhatsApp, les conversations reprennent, se prolongent, hein, mais un écran de téléphone évidemment à sa limite. Heureusement, le téléphone a aussi un micro, donc quand l'ennui s'installe et que le besoin de partage va au-delà des mots, Ramirez et ses amis décident d'enregistrer leur PN et de laisser les échanger sur WhatsApp. Et donc, en une touchante communion intestinale, tous échangent leurs flatulences quotidiennes et atteignent ainsi un niveau supérieur d'intimité. Alors Ramirez pourra d'ailleurs identifier chacun de ses pairs uniquement à la musique de ses gaz. Donc pour fêter leur première année de confinement, ils vont même créer une compilation, 52 minutes de témoignages d'affection sonore, qui se passe de mots, donc le pouvoir de l'amitié est plus fort que tout, même que la quarantaine. Mais un jour tout bascule, voilà, les gens commencent à créer des jetons virtuels sur lesquels ils marquent le nom d'une œuvre et qu'ils mettent sur la blockchain Ethereum et qu'ils vendent. Et pire, il y en a d'autres qui les achètent. Donc des gens achètent parfois pour des millions des jetons avec le nom d'un meme, d'un clip vidéo ou d'un gros JPEG marqué dessus. Ils n'ont pas le fichier, attention, tout le monde là de toute façon ce fichier. Le Nyan Cat n'arrêtera pas sa course folle hein, sur son arc-en-ciel, même si un jeton marqué Nyan Cat a été vendu 500 000 $. Voilà, ils n'ont pas non plus de royalty d'ailleurs, hein, ni aucun droit de regard sur l'usage de l'œuvre. Tout ce qu'ils pourront faire en fait, finalement, c'est revendre le jeton à une autre victime de l'hallucination collective hein, qui consiste à croire que ces jetons valent de l'argent. Et Ramirez est donc décidé à croire. Et oui, il veut croire que ses pets et ceux de ses amis puissent avoir une valeur. Après tout, est-ce qu'ils ne sont pas le témoignage le plus primal hein, d'intimité qu'on puisse imaginer? Et par là, est-ce qu'ils ne sont pas un immense message d'espoir? Donc il fait un NFT de son ami en paix et il l'a mis en vente. Donc chaque vent est à 0,05 Ethereum, soit 85$ le P. Sinon, l'ensemble est aux enchères, 186$, aux dernières nouvelles. Alors Ramirez n'est pas le seul à se lancer dans le NFT, puisque l'artiste sans nom John Cleese a aussi mis en vente un jeton pour un dessin de Brooklyn Bridge. Alors, un dessin effectué en 50 secondes sur son iPad, que dans mes bons jours, je pourrais sans doute reproduire un petit peu plus vite, avec mon index gras de chips après deux bières. Mais bon, John comme Ramirez sont parfaitement conscients de l'absurde de leur démarche, mais ça n'empêche pas John, au moins, de pouvoir se faire pas mal de blé, puisqu'il demande 69 millions pour son dessin quand même, mais bon, même sans ça, les enchères pourraient monter assez haut. Alors on rappelle ce que c'est quand même le NFT, ça veut dire Non-Fungible Token, donc jeton non-fungible, parce que oui, fungible, c'est un mot français, donc un truc fungible, enfin un truc effongible. Ça fait champignon. Oui, mais moi aussi je croyais que c'était des jetons, tu vois, c'est des jetons qui faisaient de la photosynthèse, mais pas du tout. Non, un truc est fongible, si on peut le consommer et en avoir un autre, en gros c'est interchangeable. Donc en gros un bitcoin est fongible, tu peux le dépenser, en acheter, parce que bitcoin c'est une espèce, c'est pas un individu. Il y a des bitcoins, comme il y a des Pikmin, bon bref. Donc au contraire, tous les NFT sont différents. Le NFT du premier tweet n'est pas équivalent au NFT sur le bras de la tennis woman Alexandra Oleknikova, par exemple. Alors, j'invente rien, d'ailleurs. Alexandra Oleknikova, pardon, a mis son bras aux enchères sur OpenSea. Alors, c'est pas son bras, c'est le NFT sur une zone de 15 x 8 cm sur son avant-bras, pour être précis. Donc concrètement, un NFT, c'est juste un bloc de données mis sur la blockchain Ethereum, qui est signé par le créateur, avec les références de l'œuvre. Bon, en fait, c'est un CryptoKitty, tout simplement. Sauf qu'au lieu de contenir le génome d'un chat moche mais rigolo, on a le titre d'une œuvre, et c'est tout. Alors on pourrait se dire que voilà, le NFT, finalement, bah, ça pourrait être un moyen de soutenir les artistes. Bon, ça existait déjà avant, hein, mais ça ne consommait pas autant d'électricité, mais bon. Disons que là, le mécène pourrait reçu une sorte de symbole gravé dans le marbre virtuel d'Ethereum. Sauf que bien sûr, bah, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Alors, je parle même pas des scams, parce que bon, évidemment, il y a des gens qui mettent en vente des NFT sur des œuvres qu'ils ont piochées random sur Internet hein, et qu'ils ne possèdent pas, ou, je sais pas, du n'importe quoi, que je sais pas vraiment à quel niveau, tu vois, interpréter, comme, je sais pas, ces 4 secondes de vidéo MP4 dont le NFT est vendu par Pringles et appelé une saveur virtuelle, ou bien le NFT de la première tranche de pizza virtuelle qui a finalement été vendu 8 000$ par Pizza Hut Canada. Je sais pas, mais je parle même pas de ça en fait, hein. Je parle juste du fait que les NFT sont d'autant plus chers que ceux qui les émettent sont déjà ultra connus, et donc en général pas trop dans le besoin. Donc c'est puisque le dessin hideux de John Cleese ne se vend même que 100 000$, bah c'est parce que c'est John Cleese, et qu'il est super connu. C'est pas parce que son dessin a une valeur artistique, et John, bah, il est pas dans le besoin, hein. Pas plus qu'Elon, que Jack Dorsey. Alors Jack Dorsey, lui, il a quand même réussi à vendre son tweet pour 2,9 millions $ quand même, hein. Parce que oui, l'enchère est terminée. Ou que Grimes, hein, ou que Beeple, ou que Pringles. Bon, voilà. Ceux qui mettent 8 000$ dans un NFT sur une carte virtuelle de Neymar, dont le jeu de fantasy football Sorare, ils le font pas pour soutenir Sorare. Ils le font parce qu'ils veulent avoir l'impression d'être exceptionnel avec un NFT sur une carte qui est quand même en 100 exemplaires par saison. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'il existe 100 exemplaires de ce NFT quand même. Parce que si tu veux avoir le NFT unique de la carte de Ronaldo, c'est 150 Ether, soit environ 300 000$. Bon, je vais pas nier, la tournure que prend le NFT me fera dire, comme John Cleese lui-même, que le monde est entré dans une phase de terminale et d'insanité, hein, parce que c'est quand même assez incroyable. Alors, ça pourrait me faire marrer, mais le problème, c'est que plus conceptuellement, je peux pas m'empêcher d'être un peu écœuré de voir Internet se ruer à fond sur quelque chose qui est à l'opposé de tout ce qui constitue ses principes fondateurs. Parce que bon, je m'explique. Pour moi, le web, il est fait constitutivement, hein, pour faciliter le partage, la duplication et la diffusion d'informations. Tout ça de la manière la plus fluide et la plus efficace possible. C'est fait pour aller au-delà, en fait, des limitations matérielles. Voilà, tu vois, un exemplaire de ce livret-là, il peut pas être ailleurs. L'envoyer, ça prend du temps, de l'argent, etc. Bon, le copier, c'est encore plus chiant. Bon. Internet est fait pour abolir la rareté, pour abolir l'exclusivité, l'appropriation de l'information. Donc c'est un progrès qui est même remarquable pour l'humanité d'avoir transcendé tout ça. Alors évidemment, il faut s'adapter à ces changements, hein. Il faut bien que les créateurs vivent, c'est pas forcément simple. Mais voilà, il faut s'adapter à un inventant du nouveau, hein, qui sera en harmonie avec le nouveau normal. Bon. Et le NFT représente, il est même en fait tout l'inverse. C'est une régression. C'est une manière de réintroduire de la rareté, de réintroduire de l'exclusivité. Le but, c'est pas de soutenir les créateurs. Hein. Le but, c'est d'avoir une propriété qui flatte mon ego et sur laquelle je pourrais spéculer. On veut acheter quelque chose d'unique, quoi que ça soit en fait. Hein. Et si c'est unique, ben, ça pourra que se revendre avec plus de valeur. Sauf que, évidemment, c'est totalement artificiel. Cette propriété n'existe pas. C'est une hallucination collective. Alors bien sûr, hein, c'est pas la seule. Une monnaie aussi est une hallucination collective. Mais une monnaie est utile. Pas vraiment les NFT. Donc je dois avouer que le succès des NFT, hein, qui vont donc conceptuellement à l'encontre de tout ce que je considère comme positif à propos des technologies, me rend un poil triste. Après, bon, quand on constate que les NFT sont achetés en Ether, alors qu'on se souvient que l'Ether, au début du siècle, c'était cette matière qui était le support des ondes, des ondes lumineuses. Mmh. On ne savait pas comment se propageait la lumière. C'était des ondes, mais des ondes de quoi? On disait que c'était des ondes d'éther. Mmh. Et en fait, cet éther, on s'est rendu compte plus tard avec Einstein, qui est arrivé avec une nouvelle théorie, que cet éther, en fait, n'existe pas. Quelque part, dans une certaine mesure, on peut voir ça sous un angle poétique. Ouais, si on veut, effectivement, c'est une manière de voir les choses de manière peut-être positive. Moi, ça m'évoque, à chaque fois qu'on parle de NFT, ça m'évoque un livre qui m'a énormément marqué. Alors, j'en ai plus parlé dans Real Life, mais je fais un petit détour. Après tout, c'est l'épisode des digressions sur Sapiens, une brève histoire de l'humanité que vous voyez souvent dans les têtes de gondole des librairies, je l'espère pour vous, et surtout maintenant qu'elles sont ouvertes, car considérées comme commerce essentiel. Et en tout cas, ça raconte l'histoire de l'humanité et ça m'a mis une claque ce livre parce que ça m'a permis de prendre du recul sur beaucoup de choses très importantes et fondamentales. Et dans ce livre, il y a des passages où on vous explique de manière extrêmement claire à quel point une entreprise, le nom d'une entreprise, un état, une monnaie, tout ça, ce sont des concepts extrêmement théoriques qui sont issus uniquement du cerveau de l'homme et qui n'ont de valeur que parce que on décide de leur attribuer une valeur. Alors, c'est vrai, mais cela dit, ça a permis quand même certains fonctionnements de société, ça a permis de s'organiser, ça a permis de créer des structures, ça a permis de gérer des échanges de type commerce. Tout ça est assez bien documenté dans le côté complètement fictif et théorique, mais aussi dans ce que ça permet de très réel. Et effectivement, dans le cas des NFT, depuis que je vois ce truc émerger, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose de très concret qu'on ne voit pas arriver en termes d'usage, qu'on n'a pas identifié, ou est-ce que c'est une vaste blague? Et malheureusement, quand je t'entends en parler, j'ai tendance à te rejoindre sur le fait que c'est une vaste blague. Je pense que ce qui va nous montrer que c'est une vaste blague, c'est que peut-être, je l'espère, dans quelques mois, on n'en parlera plus et on se rendra compte de la bêtise. Mais bon, on voit bien que les crypto-monnaies durent déjà depuis quelques temps. On verra ce que ça donne, les crypto-monnaies. Ne les montons pas tous dans le même sac, je ne veux pas relancer le débat des précédents épisodes et je vais plutôt initier notre traditionnelle rubrique jeux vidéo. Guillaume, on va parler de techno et de ressources graphiques pour les joueurs sur PC. Et d'ailleurs, on va reparler de crypto, puisqu'on va nous parler des cartes graphiques avec les limitations qu'elles apportent maintenant, parfois en partie ou pas. Pour les mineurs. Ouais, bah AMD sort une nouvelle carte hein, que vous ne pourrez pas acheter d'ailleurs, à moins d'avoir une chance incroyable. Et d'ailleurs, si vous avez ce type de chance, vous jouez plutôt au loto, ça sera plus rentable. Donc la Radeon 6700 XT qui est donc sort dans un contexte de pénurie extrême, qui est d'ailleurs illustré par l'inexistence totale des cartes nouvelle génération dans les statistiques Steam. Là, j'ai regardé, il y a 0,77% de GTX, de RTX pendant 3080. Il y a 0,27%. De 3060 et 0,3% de 3090, et j'ai trouvé aucune carte RX de série 6000. Au passage, la GTX 1060 est toujours la carte la plus utilisée sur Steam, avec 9,52%. Mais bref, c'est pas grave. Un jour, on pourra sans doute acheter ces trucs, hein, et cette 6700T, donc, se place donc tout juste en face de la RTX 3060 Ti pour faire du gaming en 1440p. Tout confort, mais pas trop en 4K quand même. Donc la carte gère le ray tracing, hein, donc on a un contrôle qui est jouable en max détail plus CRT en 1440, c'est quand même pas mal. Le problème, c'est qu'elle fait quand même beaucoup moins bien qu'une RTX 2060 Super avec le DLSS. Voilà, mais oui, le tout avec une qualité d'image un petit peu moindre, mais pas beaucoup. Parce que oui, la RTX 2060 ne fait pas du ray tracing en résolution native, mais la différence, surtout en jeu, elle est vraiment négligeable, et surtout au regard du gain de fluidité qui est absolument massif. Donc oui, le DLSS est une grosse épine dans le pied d'AMD, et ils en sont parfaitement conscients. Donc ils ont une seule réponse qui s'appelle le Fidelity FX Super Resolution, ou FSR pour les intimes. Donc ce truc devait arriver au printemps, soit à peu près maintenant, et en fait non. Il se lancera dans l'année, a priori, mais Scott Erkelman confie tout de même qu'il reste pas mal de boulot, donc le FSR sera déterminant, hein, clairement, pour l'avenir de Radeon, à mon avis. Tout simplement. Donc c'est quand même vraiment délicat, et en même temps, ils sont aussi en train de consulter les développeurs, parce que ça c'est quand même crucial. Contrairement à Nvidia, qui concerne lui seulement les joueurs PC, ben le FSR va concerner aussi les joueurs console, puisque toutes les plateformes RDNA 2 devraient en bénéficier. Et donc ça pourrait être transformatif dans les années à venir, puisque PlayStation 5 et Xbox Series X pourraient vraiment bénéficier beaucoup de ce type de trucs. Alors, quelle qualité ça aura ? Ben ça reste à voir, hein, donc, puisque Nvidia utilise ses propres cœurs machine learning pour accélérer le DLSS. AMD a rien de tel, et donc il doit utiliser les cœurs de calcul standard. Donc c'est un inconvénient parce que bon, ils sont pas optimisés pour, et donc ils pourraient calculer aussi d'autres trucs. Mais en même temps, utiliser des cœurs standards, ça permet d'ouvrir la techno à plus de joueurs. Et puis bon, les cœurs tenseurs de Nvidia, ils prennent de la place sur le die aussi, hein, donc quand ils servent à rien, ils servent en plus à rien si on n'a pas de fonction de deep learning. Donc ça se balance un petit peu. Alors, en tout cas, les équipes d'AMD ont la pression. Ils doivent optimiser à mort leurs algos hein, pour rester compétitifs. Mais voilà, la partie. On a hâte de voir ça pour tester un petit peu ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est qu'AMD va pas brider les mineurs, hein, comme le fait Nvidia, ou comme essaye de le faire Nvidia. La boulette. Ils ont dit, bon. J'adore. De toute façon, AMD a dit, on va pas du tout brider les mineurs, mais en fait, ils peuvent pas, puisque les pilotes Linux sont open source, donc c'est pas comme s'ils avaient le contrôle de ce qu'on fait avec leur carte. Ouais, effectivement. Contrairement à Nvidia, où il pourrait y avoir la limitation si on faisait pas de boulettes. Ouais, parce que l'intégration du DLSS, je parle du DLSS, il est partout le DLSS, hein, puisque donc il est dans le Unreal Engine 4 en particulier, et son intégration dans ce moteur de jeu va booster significativement son adoption. Et bon, il y a un truc, alors c'est une démo, t'as qu'à voir la vidéo de System Shock, du prochain donc remaster de System Shock, avec et sans DLSS, donc non seulement en 4K, hein, non seulement c'est pas plus moche avec DLSS, mais je trouve des fois que c'est plus fin avec DLSS que sans, vous regarderez avec le truc en qualité maximum, et c'est quand même deux fois plus fluide, c'est absolument impressionnant. Et donc le DLSS c'est cool, bon, Nvidia par contre se plante effectivement pas mal sur les cryptos, hein. Il voulait brider le minage sur ses cartes. Alors déjà, ça marchait que sur Ethereum, donc ça veut dire que tu peux miner autre chose. Mais pour finir, il y a une mise à jour du driver qui fait accidentellement sauter le verrou. Bon. Ça, c'est ballot quand même. Ouais, ça, c'est quand même ballot. Alors sinon, ils ont aussi des cartes spécifiques pour le mining. Donc ils ont 4 cartes, les CMP 30, 40, 50. Donc là, c'est très bizarre aussi d'ailleurs, puisque la CMP 30HX serait une copie de la 1660 Super, sauf qu'elle coûterait $723 pour un rendement égal à une RTX 3060 bridée. Bon, qui elle se vend, je le rappelle, enfin qui devrait se vendre $329. Donc ce serait, ou alors c'est à peu près le même rendement qu'une RX 580 en fait, hein, une carte qui se trouve encore d'occasion, donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc ce serait pas compétitif, ce serait très bizarre. Cela dit, ils ont prévu aussi une carte haut de gamme, la CMP 220HX, en plus des trois que j'ai dit, et elle serait basée sur Ampère, et elle donnerait 210 MHz par seconde pour 250 watts. Alors les cartes, il faut voir que les cartes Ampère A100 sont des monstres complets. Ce sont des puces pour data center en fait. Alors en jouant sur la VRAM, bah sinon ça coûte 10 000 balles. Hein. Mais bon, si tu joues sur la VRAM, que tu essaies d'économiser un petit peu à droite à gauche, il est possible qu'il la mette aux alentours de 3 000 balles. Alors pour vous donner une idée quand même, à 200 MHz seconde, ça donne dans les $20 par jour, d'après la calculatrice que j'ai utilisée. Donc ça voudrait dire 150 jours pour amortir. Ce qui est quand même évidemment assez attractif quoi. Effectivement, on parlait de Nvidia, c'est Nvidia hein, qui fait la puce Tegra, qui fait elle-même tourner la Switch. C'est l'occasion de parler de Nintendo. Quelques petites news de Nintendo, Guillaume. Ouais, qui renoue avec Niantic, donc les devs de Pokémon Go, qui prépare un autre jeu en réalité augmentée qui s'appelle Pikmin. Et ouais, Pikmin, c'est tout mignon, Pikmin. Moi, j'aime beaucoup les jeux, mais autant les Pikmin, il y en a une demi-douzaine, hein, donc forcément, ce sera pas un jeu de collection pure, donc je suis curieux de voir ça. On va vite se faire chier, sinon. Mais bon, voilà, je suis aussi curieux d'ailleurs de savoir en détail comment marchera la Switch Pro. On le voyait déjà venir gros comme une maison. La Switch Pro va utiliser le DLSS, en tout cas c'est ce que dit Bloomberg Japan, encore une fois, hein, la machine aurait plus de mémoire, un CPU un petit peu plus puissant, mais bon, elle restera en 720p en mode portable, donc le DLSS se passerait où du coup ? Sur le chip à l'intérieur de la console ? Bon, si c'est le cas, pourquoi ne pas passer au moins 1080 sur le nouvel écran un petit peu plus grand ? Bon, pour la batterie peut-être, je sais pas. En tout cas, où est la puce chargée de l'upscaling ? Est-ce qu'elle sera intégrée dans le dock, peut-être ? Mmh. En tout cas, voilà, faudra pas voir d'intégrer le DLSS dans les jeux, parce que si c'est le DLSS Nvidia, il faut un effort de la part des développeurs, ce sera pas automatique. Et donc, c'est déjà le cas sur PC. Hein. Donc, a priori, sans patch, il y aura pas de 4K, même sur une Switch Pro, si le jeu n'est pas prévu pour. Donc, il y aura même peut-être une possibilité que le DLSS soit exclusif à certains titres Switch Pro. Pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus, quoi. Et pas sur les anciens jeux, mais plutôt sur les nouveaux titres qui seraient... Il faudra un patch, ouais. Il faudra un patch sur les anciens jeux, à la manière Xbox, en fait. Hein, à la manière Xbox, la manière Xbox, tu sais, la Smart Delivery ou ce genre de truc, quoi. On parlait tout à l'heure des commandes pour la réalité virtuelle pour Oculus. Donc effectivement, Sony qui présente de nouveaux contrôleurs. Alors qui m'ont l'air comme ça à chaud très convaincant, beaucoup plus en tout cas que les espèces de PS Move qu'il y avait avant, que j'ai toujours trouvé parfaitement ridicule. Est-ce que tu peux nous les décrire, Guillaume ? Oui, ils sont quand même plus évolués, c'est sûr. Donc déjà, ils ont des sticks, évidemment. Ils ont aussi du retour haptique à la DualSense, donc apparemment du retour haptique d'autres et d'autres définitions. Ils ont des gâchettes adaptatives. Ils ont une détection des doigts, donc le tout sur un design orbe qui rappelle un petit peu les Oculus Touch, en fait. Donc c'est des espèces voilà, de ronds comme ça. C'est un petit peu plus comme compact. Si vous preniez une manette PlayStation et que vous la cassiez en deux. Vous avez vos deux sticks sous chaque pouce, et donc vous avez aussi les gâchettes, et vous avez des orbes comme ça, des anneaux qui sont donc autour de vos mains. Alors, le Sony dit d'ailleurs que ce serait traqué par le casque lui-même, donc qu'il y aura probablement, vraisemblablement, des caméras, et donc il y aura très vraisemblablement aussi un tracking inside-out, et donc pas besoin de caméra à mettre sur sa télé. Donc ça, c'est plutôt cool pour le prochain PSVR. Alors, si vous en avez déjà un, par contre, il y a quand même des gros cadeaux sur PlayStation. Je rappelle que depuis le 1er mars, vous pouvez télécharger Ratchet & Clank, ce qui est vraiment très sympa. Et c'est pas fini. Le 19 avril, ce sera Horizon Zero Dawn, qui sera complet avec DLC. Mais surtout, avant ça, à partir du 25 mars, il y aura quand même Abzu, Enter the Dungeon, The Witness, Subnautica, et aussi Astrobot, Moss, Tumper et Paper Beast, donc de quoi utiliser votre PSVR PS4 avec joie, parce que tout ça, ce sont des super titres, en fait, un VR ou pas, donc voilà, à ne pas manquer, bien entendu. C'est très généreux, et c'est vraiment très généreux, mais ça, d'ailleurs, à tel point qu'on pourrait même voir ça comme, pas un aveu de faiblesse, mais disons une volonté de consolider une position un petit peu fragile, parce que c'est vrai que la concurrence est assez rude, hein, quand... Il y a quand même le rouleau compresseur Game Pass, Xbox ou PC, hein, et puis il y a Epic qui fait des cadeaux toutes les semaines. Donc c'est quand même pas facile hein, pour un constructeur dont les nouvelles machines sont introuvables et dont les jeux pour cette même machine sortent au compte-gouttes de toute façon. Donc aujourd'hui d'ailleurs, si vous avez une PS5, il y a des grandes chances que vous jouiez plutôt à des jeux PS4, mais, ou au moins des jeux cross-gen comme Assassin's Creed. Donc c'est un début de gen assez calme, mais donc Sony cherche à consolider quand même sa position donc, de cette manière-là, mais aussi autrement, par l'e-sport, puisqu'ils viennent de racheter l'Evo. Bon, l'Evo, je crois que c'est le plus gros tournoi e-sport du monde. Hein. Donc en 2019, c'était 14 000 compétiteurs sur des jeux comme Smash Bros, Tekken ou Street Fighter. Alors, Smash Bros, justement, donc, le jeu Nintendo, évidemment, va-t-il rester dans la liste des jeux de l'Evo ? A priori, oui. Donc un tweet de Mark Giulio assure que l'Evo va rester ouvert à toutes les plateformes, même si l'édition totalement virtuelle de l'Evo 2021 ne le mentionne pas et se concentre sur des titres PlayStation, voire exclusifs PlayStation. Bon, c'est quand même clair que Sony va essayer de mettre en vedette ses jeux, évidemment, sur l'e-sport. Après tout, il faut voir, Sony, c'est for the players. Mais merci pour cette revue, et c'est intéressant de voir ces mouvements autour, effectivement, des catalogues et de l'accès aux jeux à bas prix sur des volumes comme ça. On peut comprendre le mouvement de PlayStation, de Sony. Et juste un petit mot sur les PSVR contrôleurs. Je trouve ça très malin de se dire que ce sont comme des Oculus Touch, mais comme si l'anneau rentrait à l'intérieur de votre avant-bras plutôt qu'était dans la prolongation. Et je trouve qu'en termes d'encombrement et de risque de les péter parce que tu les cognes dans le mur sans t'en rendre compte, c'est quand même très bien joué. Donc bravo Sony, et on suivra ça de très près. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cette émission. J'espère que Matt, prof du web, ne nous enverra pas des messages en disant qu'on a dit des bêtises sur Microsoft Ignite. Il veut dire qu'on a parlé de tout sauf de Ignite en fait. Ah oui, en fait oui. Écoute, on sera ravis Matt de te retrouver pour un autre épisode. En attendant, c'est toi peut-être Guillaume qu'on peut retrouver. Et si jamais on veut te retrouver, où est-ce qu'on doit se tourner ? Je suis pas derrière vous, ne vous inquiétez pas. Non, en fait, vous pouvez probablement dans Paracult à un moment ou à un autre, je suppose. Oui, on compte sur toi pour continuer tes belles recommandations. Merci, Guillaume. Vous me retrouvez sur aussi Twitter, Guillaume Vendée, Instagram et dans ma newsletter, newsletter.guillaumevendée.fr. Je compte évidemment plus que jamais sur vous pour faire connaître Tech Café et ce chouette épisode, comme tous les autres épisodes d'ailleurs, à votre entourage, à vos proches, à vos collègues, à vos amis, à votre famille. Et puis, bien entendu, on compte sur vous également pour aller jeter un coup d'œil sur Patreon, patreon.com/techcafé, pour envisager un soutien à la hauteur d'un café par semaine en échange d'une pérennité garantie du podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité et vos écoutes. On se dit rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.